Max. Bienvenue sur Galaxy les 8h. Salut et bienvenue, c'est Galaxy et c'est Uber jusqu'à 10h. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 janvier 2007, c'est fou comme le temps passe vite. Et nous fêtons les Angèles. S'il y a des anges parmi nous, dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter une très bonne fête. Floor, c'était il y a maintenant bien sûr quelques années, c'est Fioco avec The Spirit en 1998. Keep the spirit I was dancing at a discotheque, and people were coming up to me and saying, "What is this shit?" I said, "It's house music, baby." Well, they said, "It'll never last." Well, I'm here to tell you, it's now the 21st century, and house music is still kicking. Hey DJ, this is house music. Galaxy avant tout le monde, bien sûr, c'est le son de Laurent Conrad, c'est Rock You, que vous nous écoutiez sur 95.30 ou sur le net en tapant, et comme vous le savez maintenant, live.galaxyfm.com. On vous souhaite un très bon week-end avec la suite tout de suite, ce sera Roger Sanchez. Bon week-end, bon week-end sur Galaxy. de la scène électronique en live sur Galaxy. Restez bien calés car nous aurons encore une bonne occasion de jouer ensemble tout à l'heure. En attendant, encore un max de son avec Commander Tom, avec Ken Sleep et c'est Edge of Love qu'on vous balancera juste après. We'll be right back. réveil sur Galaxy. Galaxy. Avec Hubert. Avec Hubert. Festival international du court-métrage, l'association lilloise des rencontres audiovisuelles organise ses ateliers d'initiation aux techniques et métiers du cinéma du 13 au 18 février prochain. 14 ateliers mis en place par des professionnels venus partager et transmettre leur expérience dans les domaines aussi divers que l'écriture de scénarios, storyboard, son, images, montage, trucage et production. Inscription indispensable avant le 31 janvier auprès de Méline au 03 20 53 24 84 ou sur le net contact@rencontre-audiovisuel.org. Fête des associations les 3 et 4 février, c'est à la salle Roger Salengro à Waterloo. Ouverture samedi de 14h à 18h30 et de 10h à 18h le dimanche. Le thème de cette année, les contes. Pour plus d'infos, tapez www.ville-waterloo.fr. Exposition de peinture de Daniel Delgrange, attitude du 20 au 31 janvier, c'est au CSE de Waterloo. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez bien sûr appeler l'Office du Tourisme au 03 20 75 85 86. Exposition Ville et Village du Nord actuellement et jusqu'au 6 février, c'est au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo, une longue escapade au travers de notre département, mélange du monde rural et du milieu urbain pour revivre au travers des photographies d'Augustin Boutique, le charme et le pittoresque du 19e siècle dans notre région. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr appeler le 03 20 81 59 50. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. Fin de cet agenda Galaxy, tout de suite retour de la musique. Galaxy, Galaxy, just electronic music.

absolument tout me plaît dans ce morceau, les sons, le mix, la voix. Oh, quel bonheur! Merci à Sébastien Léger et Chris Leck. Attention, vous voulez jouer, alors jouons. La question, la voici. Galaxy fêtait, souvenez-vous, son anniversaire en fin d'année. Est-ce qu'il s'agissait de ses 15 ans, de ses 23 ans ou de ses 25 ans? Si vous connaissez la bonne réponse, vite à vos téléphones, 03 20 83 57 57. Le plus rapide d'entre vous en possession, évidemment, d'une bonne réponse, repartira avec une entrée gratos, valable pour une des soirées du week-end prochain. Galaxy in the world, partout dans le monde. Hey, this is Ken Spector from Los Angeles, California, and I produce As Lens. I listen to Radio Galaxy on the web. Bonjour à tous, ici Mikas, de Progressive Blues Record. Je suis maintenant au Canada et j'écoute Galaxy sur le net. Hi, it's Nicolas Gala from Perasma, String to Harmony. I live in Greece and now I can listen to Radio Galaxy 95.3 FM on the web. That's great. Hey, toi aussi tu veux écouter Galaxy sur le net. Tape live.galaxyfm.com. hands up for Detroit, a lovely city. C'était l'année dernière, c'est Benassi Bros avec Who's Your Daddy, remixé par David Guetta. Good weekend. Weekend. On Galaxy. Galaxy.

Galaxy est dans l'heure qui arrive. Toujours un max de son avec Cicada, David Kahn et Lambda, Hold On Tight. C'est le remix 2003. Galaxy, out of time. Il est 9h. 8h, 10h. Hubert. Sur Galaxy. On Galaxy. Was way too long, babe. And I'll be damned if I'm gonna stick around and take any more of your You better screw down that run around loose tongue of yours, babe. Cause it's gonna get you another whole lot of trouble. Sometimes I think you've got no feeling. Sometimes I think

Galaxy 9h13. Galaxy. Attention, si vous vous apprêtez à sortir au niveau des températures, ça ne vole pas très haut. Ce matin, nous aurons un petit degré sur l'île et la métropole, 2 degrés à Sbrook, 3 degrés à Dunkerque et 1 degré à Saint-Omer. Et pour nous aider justement à faire grimper ce fichu mercure, c'est Star Tattoo qui arrive sur Galaxy avec Make Me High. if you go down. Easy now, no need if you go down. Rock that, run that, this how we frown. Easy now, no need if you go down. Easy now, no need if you go down. Rock that, run that, this how we frown. Jusqu'à 10h, surtout restez bien bloqués sur 95.30 ou sur live.galaxyfm.com. Ça, c'est évidemment pour ceux qui nous écoutent sur le net, car on aura l'occasion de vous balancer quelques entrées gratos valables pour les meilleures soirées du week-end prochain. Ça aura lieu d'ici un petit quart d'heure. 24 hours a day, Galaxy. There's a kind of people who loves the good things, who loves the deep soul things. We love to play sweet games together, like a big family in the dance floor. We are the kids of the choir revolution, and we fight for a new quiet concept of evolution. We play house music, you dance house music, we feel house music, music.